chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone Danny Veillon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de ce qui se passe au marathon ou au rallye Rose des Sables qui se déroule actuellement au Maroc. Ce matin, on a sorti un classement et les filles de Dolbeau-Mistassini, soit Mireille Marcel et également Cynthia Ouellette, étaient en 13e rang. C'est une équipe française qui occupe le premier rang. Ce matin, j'ai eu la chance de parler en direct à Mireille Marcel au Maroc et vous irez, l'entrevue sera mise en ligne aujourd'hui dans la section entrevue de danradiosport.com et il y aura des extraits également demain matin dans le bulletin de sport local et régional. Parlons maintenant de hockey. Le gardien de but originaire d'Allemagne, Samuel Harvey, a obtenu sa 100e victoire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine dernière. Et le gardien natif d'Allemagne mentionne qu'au début de sa carrière, il n'aurait jamais pensé à atteindre un aussi beau plateau. On va écouter Samuel Harvey. Non, je pense pas que j'aurais pensé ça. Au début, là, quand j'ai commencé à 16 ans, là, mon but, c'était de bien faire suite. Pas trop penser justement à mes statistiques de mes victoires, mais tu sais, quand plus grand ça dans la Ligue, je voyais que je m'approchais un peu de ce plateau-là, donc ça devenait de plus en plus possible, là, mais je pense pas qu'au début, j'aurais pensé que j'aurais pu. Dans un deuxième temps, Samuel Harvey reconnaît qu'il y a eu de bonnes équipes et c'est pour cette raison qu'il a tenu le plateau de 100 victoires. Je pense que c'est ça la raison pourquoi je prendrais 100 victoires, c'est que j'ai des équipes extraordinaires derrière moi, qui gardent devant moi. Des excellents coachs. C'est vraiment pour ça. C'est un travail d'équipe qui est vraiment compris pour moi là-dedans. C'est des gens qui m'ont aidé. Fait que, c'est un peu là, un honneur que j'ai partagé avec tout le monde. C'est ce que je disais au gars justement après le match. Que je les remercie beaucoup parce que c'est un honneur qui leur a donné. Dans un dernier temps, Samuel Harvey a participé au camp des recrues du Canadien de Montréal. Et il a apprécié son expérience et selon lui, ça a bien été lors de ce camp. Oui, c'est ça. Écoute, ça a été là, un camp quand même assez chargé. Là. On était un peu on avait des activités un peu tout le temps. Donc c'est sûr que ça a bien été. Écoute, j'étais allé au camp des recrues. Après ça, les Canadiens m'ont gardé pour le camp principal. J'ai commencé le camp principal avec eux. J'ai pas eu la chance de jouer les matchs en concours, mais j'ai quand même participé aux pratiques avec eux. Ça a super bien été. Mon tournoi des recrues, j'ai eu mon premier match. J'avais des adaptations un peu à faire, c'est normal, c'est un autre niveau. Puis à mon deuxième match, ça avait super bien été. Puis c'est vraiment des belles expériences. Puis écoute, Montréal, c'est une organisation de première classe. Là, fait que on a été super bien traités. Puis je retiens que du bon de ce camp-là. Maintenant, je pense qu'eux vont garder un œil sur moi. Puis moi, mon but, c'est de bien faire junior majeur. Puis on va voir ce qui va se passer. Si c'est pas avec Montréal, ça sera avec une autre équipe. Mais ouais. Mon but, c'est de signer un contrat cette année. Dis-moi, on a parlé avec un gardien de but également. Un autre gardien de but, Simon Landreville, qui a signé avec le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. On sait que l'ancien gardien de but des Genois d'Allemagne maintenant habite à Sherbrooke. Et je lui ai posé la question, comment se fait-il que tu as choisi le multiconcessionnaire malgré que tu demeures à Sherbrooke et tu dois voyager à tous les 15 jours ici même dans le secteur? Le multiconcessionnaire, c'est tous des gars avec qui j'ai joué au courant de ma jeune carrière. Donc, j'ai connu tous ces gars-là. C'est beaucoup des amis proches aussi. Dans mes équipes de tournoi amateur, par exemple, c'était la plupart, c'est les joueurs qui jouent dans l'équipe en ce moment. Donc, moi, j'avais vraiment envie de jouer avec ces gars-là. OK. C'est vraiment une des plus grandes raisons pourquoi je suis revenu là, avec eux. Mon Landreville est quand même impressionné par le calibre de la Ligue du Lac aux Fleurs. C'est très impressionné. Là. C'est vraiment tous des gars qui ont un bon bagage de hockey. Ouais. La plupart ont tous joué là, très bon hockey. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Surtout que c'est une ligue qui se situe dans un coin où il n'y a pas de Junior 3, par exemple, des choses comme ça. Donc, la plupart des joueurs ne font pas nécessairement connaître à l'extérieur. La plupart reviennent ici ensuite. Là, donc, on réussit à garder vraiment un bon bassin de joueurs. Parlons de ce qui s'est passé maintenant au marathon de Québec. Il y avait des coureurs de Robertval qui ont fait le demi-marathon ainsi que le 10 km. D'abord, au demi-marathon, José Barry de Robertval dans la classe féminin 45-49 ans a pris le 691e rang. Maintenant, Carole-Anne Marceau a pris le 751e rang. Luce Gagné dans la classe 55-59 ans a terminé au 2678e rang avec un temps de 2h36min54s. Caroline Harvey dans la catégorie 50-54 ans a pris le 2672e rang avec un temps de 2h37min7s. Et Olivier Bellemare dans la catégorie masculin 30-34 ans a pris le 2689e rang avec un temps de 2h37min et également 55s. Au 10 km maintenant, il y avait également des coureurs du secteur de Robertval qui étaient toujours en action là-bas. Donc, on va vous donner les classements. Pierre Zwebel, dans la catégorie 55-59 ans, a pris le 148e rang avec un temps de 48min44s. À noter également que Martial Rochelot a tant qu'à lui pris le 680e rang avec un temps de 58min23s. Manon Chambault a terminé au 945e rang avec un temps de 1h02min50s. Tant qu'André Lheureux, il a pris le 668e rang avec un temps de 1h20min33s. Et je termine avec un résultat de basketball. La saison de basketball senior du côté des filles prenait son envol hier. Et Chicoutimi, les anciennes cégeps de Chicoutimi ont battu le séminaire de Chicoutimi 55-49. La meilleure joueuse a été Alexandra Tremblay avec 18 points pour les gagnants. Adrienne Parent a réussi 14 points pour l'équipe perdante. Et les Bleus de Chicoutimi ont défait les anciennes du cégep de Jonquière 38-33. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Stéphane Lebeau. Il parle de sa rencontre avec Jacques Demers. Je me suis également entretenu avec Simon Landreville du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Samuel Harvey qui est d'Alma qui a obtenu sa 100e victoire dans la JMQ. Pierre Guy vient nous parler de la chronique de la Ligue JMS et Guillaume Guy vient nous parler des Sabres.